بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 47 بعد 100. سؤال كاستيوم سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: هل هذه عبارة صحيحة بفضل فلان تغير هذا الأمر أو بجهدي صار كذا؟ Donc il est interrogé le cheikh par est-ce que cette expression est correcte de dire par la grâce de un tel la chose a changé ou par mes efforts il s'est passé telle chose. فأجاب رحمه الله تعالى: هذه العبارة صحيحة إذا كان للمذكور أثر في حصوله. Donc il a dit cette expression elle est authentique si jamais la chose citée a vraiment un lien avec ce qui s'est déroulé. فإن الإنسان له فضل على أخيه إذا أحسن إليه. فإذا كان الإنسان في هذا الأمر أثر حقيقي فلا أباس أن يقال هذا بفضل فلان أو بجهود فلان وما أشبه ذلك. Donc il a dit par exemple, une personne peut avoir un mérite sur son frère, si jamais il est bienfaisant envers lui, qu'il l'a aidé, lui a apporté quelque chose. Donc si cette personne a une influence concrète, réelle, sur ce qui s'est déroulé, alors il n'y a pas de mal à dire que cela est par la grâce de un tel, ou par les efforts de un tel, et ce qui y ressemble. لأن إضافة الشيء لسببه المعلوم جائز شرعا وحسا. Car le fait d'attribuer une chose à sa cause réelle, d'affilier une chose à sa cause réelle, cela est une chose qui est permise dans la législation et même dans la raison. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Car le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit si ça n'avait pas été moi par ma cause, à propos de son oncle Abu Talib, il a dit il serait au plus bas du feu. Il a dit laula ana, si ce n'avait pas été moi. Wa kana Abu Talib yu'adhab fi nar jahannam fi dahdah min nar. Wa Ali na'lan yaghli minhuma dima'uhu. Wa huwa ahwanu ahli nar 'adaban wa li'adhab billah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Car son oncle justement subissait le châtiment le plus bas du feu, qui est que des braises bouillonnent, ou plutôt des braises consument le bas de ses pieds, ce qui amène à mettre son cerveau, on va dire, en fusion. Il bouillonne. Et il dit ça c'est le châtiment le plus bas du feu, le moindre. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce n'avait pas été moi, il aurait subi bien pire que cela. Amma iza adhafa al-shay' al-sabab laysa bis-sahih fa inna hadha la yajuz wa qad yakunu shirkan kama law adhafa huduth al-amr la yuhdithuhu illa Allah ila ahadin min al-makhluqin. Par contre, si on affilie une chose à une cause qui ne lui revient pas, qui n'est pas réelle, alors cela n'est pas permis et cela peut être du shirk. Comme par exemple affilier les choses qui se déroulent sur terre à autre que Allah parmi les créatures. Par exemple, la venue du vent, la descente de la pluie, et ce genre de choses. En elle-même. Non. أو أضاف شيئا إلى أحد من الأموات أنه هو الذي جلبه له. فإن هذا من الشرك في الربوبية. Ou par exemple, affilier une chose à l'un des morts. En disant que c'est par tel mort que j'ai eu telle et telle chose. Alors cela est du shirk dans la ربوبية, dans la seigneurie. ثم سئل في السؤال 48 بعد 100 148 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما قولكم نفع الله بكم وزادكم من فضله في هذه العبارة لولا الله وفلان. Donc il est interrogé: que dites-vous à propos de cette expression qui est si ce n'avait été Allah et un tel, si ça avait été Allah et un tel, par exemple, il serait passé telle et telle chose. فأجاب رحمه الله تعالى: قارنوا غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز. ففي المشية مثلا لا يجوز أن تقول ما شاء الله وشئت. Donc il a dit joindre entre Allah et les choses liées au qadar qui amène à, on va dire, une participation sans distinction entre ce que Allah a fait et ce que l'autre personne a fait, cela n'est pas permis. Par exemple, tu ne peux pas dire, ou par exemple également dans Al-Mashiyah, là il parle du destin, et dans la Mashiyah qui est la volonté. Et également, cela n'est pas permis. Par exemple, tu ne peux pas dire ce que Allah a voulu et que tu as voulu. D'accord? Ce que Allah a voulu et que tu as voulu. Car cela revient à égaliser entre la volonté d'Allah et celle de la créature par une. Là, c'est un harf en arabe, c'est waouh, et nous en français, ça s'appelle et, qui est une, si je ne me trompe pas, jonction de coordination. Jonction de coordination, quand on dit et. Ce qui amène à égaliser entre les deux choses. Par exemple, si tu dis Allah a voulu et tu as voulu. Ça fait comme si on avait rendu la volonté de ta volonté à toi égale à celle d'Allah. À cause de ce mot qui est et en français, qui est waouh en arabe. قال لك لكن لابد أن تأتي بثم فتقول ما شاء الله ثم شئت. Par contre, ce qu'on doit dire, par exemple, c'est parce que Allah a voulu, ensuite que tu as voulu. Par exemple, quelqu'un te donne une chose, cette chose tu l'as reçue, tu dis je l'ai reçue parce que Allah l'a voulu et ensuite parce que toi tu l'as voulu aussi. Car la volonté de la créature ne devance pas. Sûrement pas, et ne coïncide pas avec celle d'Allah Azzawajal, mais elle le suit. Elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa yasha'a Allah rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir si Allah l'a voulu. C'est-à-dire qu'on ne peut vouloir une chose si ce n'est qu'après que Allah l'ait voulu. Wa kadhalika aydhan idafat ash-shay' ila sababih. Makrun billah wa biharf yaqtadi taswiya mamnu'un. Fala taqul lawla Allah wa fulan anqadhani la ghalqtu. Fa'ala haram. Wa la yajuz lianna ja'alta as-sabab al-makhluq musawiyan li khaliq as-sabab. Wa huwa nou' min ash-shirk. Également, le fait d'affilier une chose à sa cause et à Allah par justement une particule qui est et en français qui amène à égaliser entre les deux actes. Entre la cause et entre la volonté d'Allah. Par exemple, quelqu'un qui dit, si ce n'avait pas été Allah et un tel qui m'a sauvé, je serais mort, noyé. Donc cela est interdit. Car tu as mis la cause que Satan t'a sauvé égale, d'accord, à la cause que Allah t'a accordée. Et cela est une forme d'association. Et on a dit également c'est à cause du et. Ça fait comme si et il avait une part dans le cours des choses. Donc il a bien dit, il faut mettre à ce moment-là, il faut mettre summa. Il faut mettre summa, mettre ensuite. Par exemple, si ça n'avait pas été Allah ensuite un tel qui m'a sauvé, je me serais noyé. ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه بدون قرن مع الله. Par contre, il est permis d'affilier la chose à sa cause sans citer Allah, comme on l'a dit dans la question précédente. Fatakul laula fulan la ghalaqtu. Par exemple, tu dis, si tu n'avais pas été un tel, je me serais noyé. إذا كان السبب صحيحا واقعا لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي طالب حيث أخبر أن عليه نعلين يغلي منهما دماؤه قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Donc si jamais tu as affilié une chose à sa cause réelle, par exemple comme on lui donne l'exemple, si ce n'avait pas été un tel, je me serais noyé, car c'est réellement un tel qui t'a sauvé par son acte, cela est permis. Sans citer Allah. Par contre, si tu cites Allah, tu dois mettre thumma, tu dois mettre ensuite. Ce n'avait pas été Allah, ensuite un tel. Comme, et la preuve, c'est ce que nous avons cité auparavant, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si ce n'avait pas été lui, son oncle serait au niveau le plus bas du feu. La sénat est fondée, Inch'Allah. Walhamdulillah bil alamin.